Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache, troisième saison, Avis de tempête. Pour que les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leurs victimes tombent de haut. Rue de Varennes. 15e épisode. Une nouvelle saison s'achève, mes amis. Peut-être la dernière. 10 jours ont passé depuis notre épisode précédent. 10 petits jours durant lesquels les choses se sont brusquement accélérées suite à la mort du président de la République dans un accident d'avion. Pablo Mercadal a annoncé sa candidature presque immédiatement, mais il doit encore composer quelque temps avec Tiphaine Kervalec, la jeune présidente du Sénat qui assure brillamment l'intérim du président de la République française. Nous voilà déjà, mes amis, au dernier épisode de notre tragicomédie. Dans 2 semaines aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle anticipée. Le Premier ministre Pablo Mercadal se défie de l'élu bretonne. Il craint qu'à la dernière minute, cette jeune femme très appréciée ne présente finalement sa candidature. Pour pallier ce risque, il a fourbi toutes ses armes contre elle. Dans un opuscule célèbre sur l'art de la guerre, un général chinois du 6e siècle avant notre ère a écrit « Connais ton adversaire ». Connais-toi et tu ne mettras pas ta victoire en danger. Mais le propre du danger n'est-il pas de venir toujours de là où on ne l'attend pas? Ça, monsieur le Premier ministre, c'est notre dernière proposition pour votre meeting de Villepinte. Elle est toute fraîche, elle sort de chez la primeur. Là, c'est un petit format, mais faut l'imaginer en kakémono ou en 4x3, évidemment. Kakémono, c'est quoi, un sushi? Un format vertical. On peut décliner ce visuel sur tous les supports. L'affiche pour l'entre-deux-tours, bien sûr, le site web, les réseaux sociaux, les t-shirts. Ouais. Par rapport au dernier brief de Madame Vignon, on a retravaillé la créa pour revenir à la première proposition avec le lever de soleil. En gardant la dominante bleu ciel. Oui, et toujours la colline ici, en arrière-plan, en pente douce, et le petit village au loin. C'est où, ce village? On a chopé ça sur une banque d'images américaine, c'est un village en Allemagne, je crois. Mais on a retouché le clocher de l'église, qui était trop pointu, hein, c'était un peu agressif, il évoquait un minaret. Et on l'a remplacé par un clocher plus rond, donc ça donne un petit côté laïcité apaisé. T'es avec nous là, Pablo? Parce que t'as l'air complètement ailleurs. T'as vu le dernier tweet de Bousquet? Non. Mais c'est pas le sujet. Kervelec, Mercadal qui porte la culotte. 2700 likes en 10 minutes. Connasse! Connasse! Connasse! Il y a combien de lettres dans connasse? 8? 140 divisé par 8, c'est combien? Je peux lui répondre combien de fois de suite ce que je pense dans un seul tweet? Je comprends rien à ce que tu racontes, Pablo. Si vous voulez, monsieur le Premier ministre, on revient vous présenter ça à un moment où vous aurez plus de temps. Non! Non! Du temps, il en a jamais. On a besoin de ta validation maintenant, Pablo. Comme ça, c'est fait et on part en fab. On n'a plus le temps! C'est bien beau d'avoir une affiche de rockstar, mais je suis en train de dévisser complètement, moi. Pas de panique, Pablo. Il y a un petit trou d'air sur les intentions de vote, c'est tout. Et il vaut mieux que ça arrive maintenant que dans 15 jours. 6 points! J'ai perdu 6 points depuis que je me suis présenté. 1 point par jour, merde! Alors que j'ai jamais fait autant de meetings et de déplacements. On a explosé tous les budgets. Pendant ce temps, Kervelec est en train de monter en flèche alors qu'elle fout rien. C'est parce qu'elle fout rien qu'elle monte en flèche, Pablo. Elle porte le deuil du président. Elle est jeune, elle est sympathique, elle prend son rôle d'intérim très à cœur. Ah oui, ça, j'ai bien vu, merci. À Bruxelles, ils étaient tous sous le charme. Ils allaient tous la voir, Tiphaine par-ci, Tiphaine par-là, Madame Présidente, Frau Présidente. Je me suis retrouvé comme un con à tenir la chandelle. Elle fait la une de toute la presse européenne, et moi, j'ai complètement disparu. Pablo, je fais ce que je peux. T'as pas complètement disparu, c'est juste que Tiphaine bénéficie d'un effet nouveauté. Et il faut reconnaître qu'en 3 heures de négociation à Bruxelles, elle a réussi à débloquer un accord à 28 qui coinçait depuis 6 mois. Ah, évidemment, c'est facile pour elle. Elle débarque à la fin du truc, tout boulot est mâché, personne n'ose nous refuser quoi que ce soit avec la main du président. Accessoirement, elle parle 4 langues. Ça aide pour les discussions. Faut admettre qu'elle a obtenu des résultats inespérés. Non mais je rêve. C'est la conjuration des imbéciles. Vous vous occupez de ma campagne ou de la sienne? Et puis j'aime pas ma gueule sur cette affiche. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Tu vas pas recommencer, Pablo. T'es très bien là-dessus, je t'assure. C'était le meilleur choix possible. T'es souriant, mais pas trop. Ouais, je fais carrément la gueule, tu veux dire. J'ai l'air d'avoir 107 ans, on dirait mon père. Je vous l'ai dit, on l'a testé cette photo. C'est très impactant sur les items confiance et autorité. On est à plus de 55% sur les items confiance. Et presque 70% pour l'autorité. Et sur l'item gueule de pocheton, j'ai à combien? Je la sens pas cette photo. Je peux pas faire campagne avec ça. Si vous voulez, on peut encore retoucher deux ou trois trucs. Lisser le grain de peau, intensifier légèrement le bleu des yeux. Ou enlever encore quelques rides. Non, on garde ça, c'est très bien. Bon, et sur le slogan, on en est où? Alors, on hésite toujours entre utiliser le prénom ou le nom. Le problème du prénom, c'est qu'il est trop à consonance étrangère et le problème du nom... Qu'est-ce qu'il a mon nom? Mercadal, ça fait... Non, mais on ne voudrait pas insister sur le patronyme. Vous avez une énorme notoriété, donc on préfère tabler plutôt sur le visuel que sur le nom Mercadal. Il y a trop de risques que ce soit détourné pour la rime fatale, brutale, banale. Trou de balle. Ça va, j'ai compris. Vous avez essayé avec ses initiales? On y a pensé, mais Pablo Mercadal, ça donne le PM. Comme Premier ministre, et justement, on veut lui décoller cette étiquette. Qu'est-ce qui te prend? Je me marre parce que je pense à mon deuxième prénom, Salvador. Ça donne SM. Mercadal, c'est du brutal. Ça peut le faire, ça, comme slogan, non? Ouais. Je peux te parler? Attends, David, c'est urgent, parce qu'on est en train de boucler, là. C'est à propos de ce dont je te parlais ce matin, Pablo. C'est confirmé. Qu'est-ce qui est confirmé? Tu le sauras bien assez tôt, Laurence. Bon, qu'est-ce que c'est que ce ton? T'es sûr de toi? Certain, j'ai reçu le rapport. Je peux tout te montrer dans mon bureau. Ok. Ok, fin de la réunion. Mais attends, Pablo, qu'est-ce qu'on décide? Non, mais je rêve, lui, ma claque la porte au nez. C'est pas vrai. Comment tu veux bosser dans ces conditions? Pourquoi il se barre comme ça? J'en sais rien. Laisse tomber. Des fois, ils aiment bien prendre des airs supérieurs et mystérieux pour donner de l'importance. Avançons sans lui, je ferai un débrief. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir. Merde, j'ai deux sacoches, j'ai fallu envoyer une voiture, merde. Oui, mais c'était moins rapide. Bah alors, renvoyez une voiture à l'imprimerie et bourrez le coffre. Ah, Mazel Tov, coup de bol. C'est ça que je voulais te montrer. Je peux pas envoyer comme ça la signature du PM. Faut que tu le renvoies au petit agenda que tu vas être assez occupé à partir du 10 février. Pablo lance sa campagne et il va y avoir beaucoup de réunions publiques. Il faudra apprendre à sourire un peu plus. Voilà, le rapport de signature que tu m'as demandé sur Pierre Bellec. Rien de très excitant. On écoute, mais pour l'instant c'est calme. Rien de particulier. Je le tiens au courant, mais il continue à bien la surveiller. Je sors tout ce qu'elle fait, qui est quoi, quand, tout. Ça, c'est quoi? Celui-là, c'est celui sur la ligne Bousquet. Ça n'a pas été facile de la brancher, celle-là. Elle est complètement barrée. Ah, j'ai ajouté notre dernier rapport. Je continue à progresser dans l'opinion. Maintenant, c'est à peu près sûr qu'elle sera au deuxième tour. Mais comment cette fille arrive à convaincre les Français que leur problème numéro un, c'est quelques milliers de malheureux qui fuient la guerre? Non, c'est surtout le positionnement ni droite ni gauche, l'Italie. Franchement, les gens qui me disent « je déteste la droite, je déteste la gauche, je Bousquet », c'est comme si on me disait « j'aime pas la viande, j'aime pas le poisson, alors je décide de manger de la merde ». En attendant sur les marchés, dans les cafés, c'est partout la même chanson. Les migrants vont nous piquer notre boulot. Le général avait raison, les Français sont des veaux. Quelle bande de coups. Il n'y a plus de boulot. Et s'ils pensent que des types qui arrivent en ayant tout perdu, qui parlent pas la langue et qui n'ont pas leur réseau, peuvent leur piquer leur boulot, c'est qu'ils sont vraiment des merdes. Vient de commencer. Tu lui expliquais les modalités de son départ. Les modalités de son départ? C'est ton téléphone, ça, Laurence? Bah ouais. Je peux voir? Merci. C'est quoi comme modèle? C'est joli? C'est résistant? Là, par exemple, si je le pose par terre et que je monte dessus... Pablo... Ah bah, non. Non, c'est pas très résistant, finalement. Pablo, je sais pas si t'as encore pris des trucs. Les modalités de son départ. Les modalités de son départ, c'est tout de suite et avec un coup de pied au cul. Pourquoi t'as appelé Kerbelec? C'est ses palettes, ça? Ouais. Alors, voyons. Tiffen Kerbelec, 3 janvier, 18h50, 22 minutes. 5 janvier, 22h35, c'est tard, dis donc, pour un rendez-vous galant, t'as viré ta cutie ? 9 janvier, 21h10, 42 minutes, vous en avez des trucs à vous dire ! Et 13 janvier, 14h10, 13 janvier, hier, putain, hier à 14h10, on bouffait, toi et moi, Laurence, c'est même moi qui ai payé en plus. Tu m'as dit que tu sortais fumer une clope. En fait, t'appelais l'autre Gwyn. Doucement, Pablo, c'est bon, elle a compris. Putain ! C'est toi que j'aurais dû écouter, David. J'aurais jamais dû accepter de la garder dans l'équipe. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu me dises pourquoi t'as appliqué un bélègue. Et peut-être, peut-être que je te casserai pas la gueule avant de te foutre dehors. Je trouve dégueulasse ta campagne contre Tiphaine. Je pense qu'elle est super. Qu'elle a fait du très bon boulot. Que tout le monde s'en rend compte. Toi le premier, et ça te fait paniquer. Et je pense que t'es en train de péter les plombs. Pourquoi t'as appelé Kerbelec et pourquoi t'as appelé Pierre-Yves ? C'est la dernière fois que je te le demande. J'ai essayé de négocier avec Pierre-Yves qu'il apporte son soutien à Tiphaine pour qu'elle se présente. Tiphaine, candidate à la présidence. Et Gerland, Japon. Non, c'est quoi comme film de la science-fiction ? Kerbelec et Gerland ? Comment elle s'appelle cette putain de femme de La Fontaine déjà ? L'aveugle et paralytique, c'est ça ? C'est Florian, pas La Fontaine. Continue à faire la maligne. Tu vas te planter, Pablo. Tiphaine a de plus en plus de soutien, tu le sais très bien. Mais tu veux rien voir et personne n'ose rien te dire, n'est-ce pas, David ? Tu vas droit dans le mur. Tu cours tout seul dans ton couloir en faisant beaucoup de dégâts autour de toi. Tes équipes, tes ministres, ta femme... Tu me dis pas comment je dois mener ma campagne, sale petite... Sale petite menteuse, traîtresse, nullité. Je sais même pas pourquoi je discute. David, fous-moi ça dehors. Elle quitte pas Matignon avec un seul document, c'est clair ? Même pas un de ses communiqués de presse de merde. Et David, écoute-moi bien. Tu demandes à la sécurité qu'il lui fasse subir une bouille complète. Pablo, non. Je veux qu'il la foute en culotte et en soutif. Elle sortira pas de Matignon avec un seul post-it, ni même un trombone. Que la famille et les premières personnalités commencent à venir saluer le catafalque recouvrant le cercueil du président de la République au milieu de cette immense cour des Invalides. Toutes les autorités de l'État sont bien sûr présentes, Anne-Laure. Oui, bien sûr, Marc. En effet, c'est une ambiance particulièrement recueillie dans cette foule qui regroupe tout ce que le monde politique français compte de personnalités depuis les 30 dernières années. Deux anciens chefs de l'État, Tiphaine Kerbelec, bien sûr, qui assure l'intérim de la présidence. Intérim qu'elle assure depuis son bureau du Sénat. Mmh. Elle a en effet immédiatement fait savoir qu'elle ne se rendrait à l'Élysée qu'après les obsèques du président pour respecter le deuil de la famille. Oui, c'est une jeune femme qui impressionne chaque jour davantage. Je vois à ses côtés Benoît Thiolin, le président de l'Assemblée nationale, Philippe Joyton, le président du Conseil constitutionnel, Alexandra Attiache, vice-présidente du Conseil d'État, ou encore Charles de Véricourt, le président du Conseil économique, social et environnemental, et pas moins de 5 anciens chefs de gouvernement de tous bords, réunis autour du Premier ministre Mercadal. Vous voyez d'ailleurs en direct sur nos images, Pablo Mercadal en train de dire un petit mot de réconfort à l'oreille de son prédécesseur, Pierre-Yves Gerland, qui a l'air très affecté. On connaît, Anne-Laure, la proximité qui unissait le président défunt et l'ex-premier ministre. Tout à fait. Il paraît que tu pensais la tour bien sur le pays. Ah oui, j'ai pas cru utile de te demander la permission. Non, évidemment. Qu'est-ce que tu vas annoncer ? Mais tu sauras bien assez tôt. Je crois que j'ai ma petite idée. Toujours aussi bien renseigné. Ta chère Laurence a dû te dire qu'on a pris la main dans le sac. Il m'a lâché le morceau. Non, pas très élégant tes méthodes d'ailleurs. Mettre un collaborateur sur écoute. Parce que c'est élégant peut-être d'essayer de me faire un enfant dans le dos. Tu vas soutenir Tiphaine, c'est ça? Tu perds complètement les pédales, Pierre-Yves. Elle va exploser en vol, la mère Kerbelec, dans très peu de temps. Oui, je connais les dossiers puants que t'as l'intention de sortir sur elle. Encore une question d'élégance. C'est même ça qui m'a poussé à sortir de ma réserve, tu vas trop loin. C'est pourquoi tu paries sur le mauvais cheval, Pierre-Yves. Tu me détestes à ce point. C'est du suicide politique. Tiphaine est la meilleure d'entre nous. Ça n'empêchera pas de disparaître de la circulation. Je te l'ai dit, Pierre-Yves. T'es avec moi ou t'es contre moi. Si tu soutiens Kerbelec, le prochain dans mon collimateur, ce sera toi. Je sais pas qui déteste le plus l'autre, Pablo. Toi ou moi ? Après le président, le deuxième sur la liste dans l'affaire Belansky, c'est toi. Tu dois payer. Ah, parce qu'en plus, tu décides de ce qui est bien et de ce qui est mal. Hein? La vérité sur la mort de Jean-Philippe Belansky doit sortir, Pierre-Yves. La vérité qui t'arrange. La vérité. Enfin, tu sais bien qu'on vit dans une époque où la vérité n'est qu'une opinion parmi les autres. Hein, la vérité en science, la vérité en politique, la vérité en histoire. Il n'y a plus de savants. Il n'y a que des croyants. Alors, ta vérité sur Belansky, hein? J'ai payé, Pablo, pour Jean-Philippe. Je paye tous les jours. Tu peux utiliser tous les prétextes morbides que tu veux pour justifier ton ambition, mais je te préviens, tu peux rien contre moi. Plus maintenant. Mais c'est ce que je disais, bien, tu perds complètement les pédales. Si je te disais que j'ai la preuve matérielle que tu fais suivre et écouter de tes concurrents, concurrentes, pour être précis. Tu bluffes. Tu paries. Tu bluffes. Si tu soutiens Kermelec, je te détruirai, Pierre. Après l'avoir détruit. Détruire. Détruire des culs. Duras. Non, évidemment, ça te dit rien. Tu peux pas me détruire, Pablo. Je suis déjà mort. Je suis libre. Monsieur Gerland, vous voulez boire un café ou quelque chose? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur café? On m'en propose 20 par jour. Non, merci. Commence à quelle heure? 20h40. Dans 8 minutes. Mais j'ai le temps de passer aux toilettes. Bon, un instant, s'il vous plaît. Je demande. HMC pour la régie. Gaël, c'est Thierry. Je suis avec Monsieur Gérard, là. C'est OK pour vous, le make-up? Ouais, c'est bon. Il est passé au maquillage et à la coiffure. OK, merci. Il va aux toilettes, là, et je vous l'amène. OK, je préviens tout le monde. OK, merci, Gaël. C'est bon, monsieur, on peut y aller. Il vous remercie. Tu viens, Hakim? Non, non, j'ai pas besoin, moi, je t'attends ici. Viens, je te dis. J'ai un truc à te montrer. Aux toilettes? Allez. Au calme. C'est où, les toilettes? Par ici, je vous montre. Il faudra marcher un peu vite, désolé. Ça fait drôle de te retrouver, mon petit Hakim. Et Laurence, elle est où? Elle est déjà assise dans le public, on sera juste derrière toi avec Christian. Ah, très bien. T'inquiète pas, ça va très bien se passer. Putain, j'aime pas les directs. C'est pas exactement du direct, il y a un très léger différé. Bah, comment ça? Voilà. Depuis les attentats, le ministère de l'Intérieur nous demande de diffuser toutes les émissions en public avec un différé de quelques minutes. Ah bon? Ouais, c'est pour couper l'antenne au cas où des malades débarqueraient avec des calaches. Oh, bah super, me v'la rassurer. Et c'est pratique aussi en cas d'intrusion par les intermittents du spectacle. Les terroristes ont le dos large. Voilà, c'est ici, monsieur. Vous pouvez rester devant la porte, histoire qu'on soit tranquille? Bien sûr, je bouge pas d'ici. Si vous pouvez faire vite, donc. Oui. Ah, évidemment, il n'y a pas de savon. Tiens, tu te laves les mains avant, toi. Bah, c'est amusant que tu dises ça. C'était une blague que mon père faisait toujours avec ses collègues de l'usine. Quelle blague? Une devinette. Quelle est la différence entre un ouvrier et un patron? Je sais pas, le salaire. Non, mais c'est pas ça. La différence, c'est que le patron se lave les mains après avoir pissé et l'ouvrier avant. Pas sûr de bien comprendre. C'est parce que tu t'es jamais sali les mains en travaillant, mon pauvre Hakim. Je m'excuse d'avoir fait des études. C'est pas de ma faute si j'ai un nom d'ouvrier spécialisé chez Renault. À l'école, j'adorais voir la gueule des profs qui découvraient ma fiche d'inscription au début d'année. Ça donnait nom Benahid, prénom Hakim, profession du père diplomate, profession de la mère directrice de recherche au CNRS. Tu sais que je me suis même fait convoquer une fois. Le prof croyait que je me foutais de lui. Ton père, ça lui fait quel âge maintenant? 76, le mois prochain. Et il va mieux? Non, il a fait une rechute en novembre. Ils sont restés à Rabat. Il supporte plus Paris l'hiver. Voilà. Il vient juste pour les séances de chimio. Ah, mon père aussi, c'était la thyroïde. Une saloperie, ce truc. Il a chopé ça à l'usine, mais ils n'ont jamais voulu le reconnaître en maladie professionnelle. Et en fait, je me suis toujours demandé, c'est pas un peu chic comme prénom, Pierre-Yves, pour un fils d'ouvrier tourneur? Tourneur fraiseur, s'il te plaît. Pardon? J'ai connu un apprenti mécanicien qui s'appelait Charles Edmond, alors, Pierre-Yves. Tu veux un scoop? Tu le mettras pas dans un bouquin à la con, genre mes conversations privées avec Pierre-Yves Gerland. Hein. On verra, je t'écoute. Je m'appelle Pierre. Yves, c'est mon deuxième prénom. C'était mon grand-père maternel. J'ai commencé à me faire appeler Pierre-Yves à Sciences Po pour draguer Isabelle. Je trouvais que ça faisait plus chic. Ah ouais, Pierre. Pierre. Pierre tout court, c'est marrant ça. Et il y a marqué quoi sur tes papiers? Ah bah tu crois qu'on me les demande souvent? J'ai même pas que j'ai fourré ma carte d'identité. Tiens, autre anecdote pour ton bouquin. À la dernière présidentielle, au second tour, au moment du vote, comme il y avait des caméras et tout, j'ai dû demander à Isabelle de me prêter sa carte pour les photos. Le petit vieux qui tenait le bureau était tellement content d'être là, tu penses qu'il n'a pas cherché à vérifier? Oui, bon, ben on peut pas être tranquille au gog une seconde. Oui, 2 minutes! Tiens, Kim, c'est ça que je voulais te donner au cas où. Au cas où quoi? Qu'est-ce que c'est? Une clé USB. Oui, je vois bien, mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Des bombes. Des enregistrements clandestins de Mercatal avec des tas de gens. De quoi lui faire passer l'envie de me chercher des poux dans la tête. Je veux que tu écoutes tout en détail, que tu creuses pour réunir des éléments de preuve, et surtout, que tu mettes ça à l'abri. Mais qui t'a filé ça? Une personne très bien renseignée à Matignon. Oh, ça... Ah non, non madame, ici c'est les hommes. Oh Laurence, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis venue avec le comité de soutien. Christian! Oh mon Christian! Je voulais te souhaiter bonne chance quand même. Et j'ai quelqu'un en vidéo sur Skype pour toi. Regarde. Antoine? Antoine Verler, mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux, mon petit vieux? Nouvelle vie, nouvelle tête? Bonsoir monsieur. Et vous, vous avez changé la décoration de votre bureau apparemment? Ah oui, restriction budgétaire. Mais vous êtes où, là, Antoine? Toujours coincé rue Cambon à faire des additions. À 20h30? Je vois pas bien derrière vous. Bougez la webcam? Bah, ici, ça a pas changé depuis 100 ans. C'est toujours dorure, cheminée, 5 mètres de plafond. La cour des comptes. Mais qu'est-ce qu'ils m'auront emmerdé, ceux-là? Feriez mieux de contrôler les banques, au lieu de vous occuper des ministères. Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'État les fait mal. Talleyrand. Vous vous mettez aux citations, Antoine? Attention, normalement c'est mon domaine réservé. Faut respecter la hiérarchie dans un cabinet, Antoine. Sinon, c'est le bordel. Oui, je me souviens, monsieur. Promis, je ferai attention, Christian. Bon, faudrait y aller, là, Pierre-Yves. Le régisseur va faire une syncope. Bien, monsieur le directeur. Bon, Antoine, je vous laisse, hein. Merci d'avoir appelé. Allez, merde. Et j'ai reçu aussi un petit SMS pour toi, Pierre-Yves, de la part d'Armel. Oh, comme c'est gentil. Adresse un respectueux et affectueux merde à monsieur Gerland de ma part. Souhaite-lui bonne chance pour ce retour sous le feu des caméras. J'espère qu'il a écouté avec intérêt ce que je lui ai envoyé. Armel. De quoi elle parle? Ah, personne très bien renseignée à Matignon. Quoi? Rien, je vous expliquerai. Bon, merci à tous. Hein. Un drôle d'endroit pour une rencontre. C'est sûr. Mais comme c'est bon de vous retrouver. Ouais, bon Dieu. C'est ce qu'on appelle une réunion de cabinet. Monsieur Gerland, 20h38. Oui, oui, on y va, on y va. J'espère que je fais pas une connerie. Bonsoir Pierre-Yves Gerland. Merci de nous accorder votre première interview depuis votre départ de Matignon, il y a 8 mois maintenant. On connaît la proximité qui vous unissait au président de la République, dont des millions de Français ont suivi les obsèques hier. Passé le temps du deuil, les grandes manœuvres politiques ont tout de suite repris en vue de l'élection présidentielle. On dit que vous vous sentiriez d'ailleurs assez proche de Tiphaine Kervelec. La présidente par intérim progresse très vite dans l'opinion et sa candidature devient chaque jour plus probable. Mais pour commencer cette émission, je vais cependant vous poser la même question qu'à tous nos invités depuis plusieurs semaines, et je vais le faire de façon simple et directe. Monsieur Gerland, êtes-vous candidat à la présidence de la République? Oui. À suivre. Rue de Varenne, de François Perrache. 15e épisode. Louis Do de Lanxin, Chris Nyanguna, Emeline Bayard, Jonathan Cohen, Éric Caruso, Hervé Pierre, Gilles Privat, Anne Cantino, Yannick Choira, Gilles David, Thomas Pouget, Cyril Couton, Antoine Doignon, Lisbeth Arasi-Mornay, Alice Pellivagnan, Jacques Brême et Delphine Léonard. Bruitage, Sophie Bissin. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur soutien et leur accueil. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossir. It's bad, you know.